Notre invité est un nouvel entraîneur qui aura une prolongation de contrat certainement à la fin de la saison suite à son triomphe avec les Bulldogs de Saint-Félicien. Il n'était pas des nôtres vendredi. Il a été remplacé à pied levé par Stéphane Cadorette. Pourquoi? Parce qu'il était en tournoi à Repentigny et son équipe a remporté la victoire. Normalement, on parle de la NFL. Là, j'ai dit cette semaine, on va faire deux entrevues parce que j'aime pas mêler les choses. Alexandre Gauthier, salut! Alex, est-ce qu'on t'a approché pour une prolongation de contrat? Une chose est sûre, mon cher Danny, cette prolongation-là va se terminer à la fin de la saison parce que c'est une seule et unique saison à la barre de l'équipe. De toute façon, mon garçon va transférer Bantam l'année prochaine et j'ai pas l'ambition de poursuivre ma carrière de. Même si on t'offrirait un pont d'or. Non, je peux te dire que dans les hockey mineurs, il n'y a pas beaucoup de ponts d'or qui sont offerts aux entraîneurs. Ah, écoute, les Bulldogs à Repentigny en fin de semaine, comment ça s'est passé votre victoire? Ben, écoute, première des choses, on s'en allait à Repentigny parce que c'est un tournoi qu'on avait fait l'année passée. Moi, je l'avais vécu comme parent de joueur, puis j'avais beaucoup apprécié ce tournoi-là. C'est un tournoi qui regroupe parmi les meilleures équipes en province. Il y avait 16 équipes. Parmi les bonnes en province, dont les cinquièmes au Québec, qui sont les Aigles de Richelieu, dans notre poule. Et moi, c'est un tournoi que j'ai beaucoup apprécié, donc j'avais demandé à ce qu'on y retourne cette année. Et disons qu'on l'a pas gagné. OK. Vous avez gagné 4-0, ça a bien été. De la manière que j'ai pu voir dans le quotidien ce matin, c'était plus dur en demi-finale, quoi? Non, en fait, j'avais 6 rencontres à mon horaire si on voulait remporter la finale. Tu m'excuseras, mais c'est une voix d'entraîneur fatigué aussi. Et dans ces matchs-là, on ne pouvait que se permettre que d'en perdre un seul, qui est en fait le troisième. Donc, on a gagné les deux premières rencontres par blanchissage. On n'a pas accordé de but. Malheureusement, on avait les cinquièmes au Québec, les Aigles de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans notre pool. Donc, on avait déjà un pool difficile. Alors, les Aigles, on a joué notre pire rencontre. Et on s'est fait battre 5-0 dans cette troisième rencontre-là. Mais c'était pas dommageable parce que avec nos deux victoires de précédentes, on se qualifiait pour les quarts et ensuite les demi puis la finale. On a remporté ces trois rencontres-là sans trop de dommages. C'est la demi-finale, dans le fond, qui a été plus difficile. On l'a remporté en prolongation après avoir accordé un but en troisième. Mais disons que les gars ont travaillé très, très fort. Et en finale, on est allé rebattre les Aigles, qui étaient devenus, entre-temps, parce qu'ils n'avaient pas perdu de l'année, ils étaient devenus la première équipe au classement, ce qu'on appelle le classement POSÉ. Oui, ben je suis ça tout le temps, nous autres. Le classement POSÉ. Je suis ça tous les mercredis, je donne le classement. Mais Alex, Donc, on a battu les premiers au Québec, parce que les Aigles étaient devenus les premiers au Québec, on les a battus. Tu vas me dire de quoi? Les entraîneurs là, au hockey mineur, là, ils me disent tous qu'ils ne suivent pas le classement POSÉ. C'est-tu des menteries? Ben c'est vrai, parce que quelque part... c'est comme un peu dans l'innocent. Les entraîneurs disent qu'ils lisent pas les journaux, mais en fait, tout le monde sait qu'ils lisent. Est-ce qu'au classement POSÉ, tu vas me dire la vérité? Est-ce que vous les suivez? Je vais te dire la vérité. Je n'ai pas regardé le classement POSÉ avant de préparer mon tournoi à Repentigny. Pourquoi? Parce que dans ma ligue, moi, dans ma région, je connais toutes les équipes. Ouais. Et je n'ai pas besoin de savoir que je suis 40e au provincial ou 24e. Ça, honnêtement, je m'en fous comme dans la 40. Cependant, quand tu prépares un tournoi à l'extérieur, tu connais pas les équipes, tu veux savoir contre qui tu vas jouer. Et ça, c'est l'avantage maintenant d'avoir un classement de ce genre-là. Et je vais te dire la vérité, oui, une semaine avant de partir en tournoi, j'ai regardé contre qui je jouais. Je savais que j'avais un pool difficile. Je savais que j'avais Saint-Jean-sur-Richelieu, qui n'était pas une formation facile. Tu es capable de voir combien ils ont gagné, contre qui ils ont gagné. Est-ce que leur fiche est gonflée par rapport à la réalité? Parce que des fois, tu peux te gonfler une fiche de 8-9-0 en début de saison contre des équipes plus faibles. Après ça, tu affrontes des équipes plus fortes et ton classement baisse. Donc, je l'ai regardé le classement POSÉ. Puis pour ça, il a été utile. Mais après ça, maintenant qu'on est de retour dans la région, je peux te dire que je ne le regarderai pas avant un ça va. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Est-ce que l'équipe, parce que ça, de ce que je suivais, ça allait quand même assez bien, ton équipe. Le fait que vous êtes maintenant en gagné un tournoi, est-ce que ça va augmenter le niveau de confiance? Ben écoute. Moi, je te dirais qu'on a, on a gagné ce tournoi-là. Je suis un peu surpris parce que moi, le niveau de jeu qu'on a joué en fin de semaine, je pensais qu'on allait le, l'atteindre seulement après les fêtes. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe qui est quand même... bon, c'est un bon mélange de jeunes et vétérans, mais j'ai beaucoup de jeunes. Plus de jeunes que je l'anticipais au départ. Il y a plus de jeunes qui ont fait l'équipe. Alors, ces jeunes-là, ça sort de la tombe 2C. On arrive dans le Pee-Wee 2C. Évidemment, c'est un calibre beaucoup, de beaucoup supérieur. Le saut est difficile à faire. Alors, je m'attendais, moi, à ce qu'après Noël... Parce que dans le fond, c'est ça le but d'un entraîneur, c'est de faire progresser les jeunes. Puis après Noël, t'es capable d'être compétitif, d'afficher ton niveau de jeu. J'ai été très surpris qu'on joue. Surpris oui puis non, parce que j'ai des bons jeunes. Mais j'ai été un peu... on a un peu devancé, disons, le calendrier de progression qu'on s'était fixé, l'équipe d'entraîneurs et moi-même. Parce qu'on est quatre entraîneurs. La préparation change durant un match, durant un tournoi. C'est-à-dire au lieu de match de la saison régulière, c'est pas pareil la préparation. Ah, c'est complètement différent. La première des choses, tu connais pas l'équipe. Donc, mais que tu sois local ou visiteur, t'es à moins là, d'avoir un joueur supérieur, tu t'en rends compte dans les deux premiers chiffres, admettons. Tu peux pas préparer ton équipe en fonction d'un joueur ou d'un autre. C'est difficile. Donc, c'est une préparation différente. La stratégie est différente. Nous, on a plus misé sur sur la motivation des petits gars. J'ai pas caché aux joueurs que des tournois provinciaux dans ta vie, dans ta carrière de hockeyeur, t'en joues pas beaucoup. Des tournois provinciaux que tu remportes, tu peux peut-être le faire une fois dans ta vie, peut-être deux fois, si tu fais partie de bonnes équipes. Puis je leur ai pas caché que c'était une occasion unique pour eux de gagner ce tournoi-là. Ils m'ont cru et on a ajusté la stratégie pour que ce soit une stratégie très axée sur la défensive, mais en même temps qui crée des occasions, des surnombres. Au départ de l'adversaire, et ça a fonctionné. OK. Si on parlait maintenant de la suite des choses, maintenant, la saison régulière, comment ça va maintenant? Donc, vous allez. Est-ce que la deuxième moitié de saison va être plus difficile, plus de tournois? C'est quoi? Ce qui arrive, c'est que là, ce tournoi-là, c'est notre premier de la saison, puis c'est la première fin de semaine des tournois là, au Québec. Ouais. Alors, on a d'autres tournois qui s'en viennent. On a évidemment le tournoi de Pee-Wee-Jonquière. Et je peux te dire que les entraîneurs de Saint-Jean-sur-Richelieu nous ont dit qu'ils allaient nous retrouver à Jonquière pour prendre leur revanche. On a eu bien du plaisir avec ça, avec eux autres. Ça a été un tournoi extraordinaire. Puis les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont bien, bien, bien fun. Donc, ils ont dit qu'ils allaient prendre leur revanche au tournoi de Jonquière, provincial de Jonquière. On sera là. Et on a aussi le tournoi de Saint-Félicien local qu'on va faire. Le reste de la saison, c'est pas compliqué. On a déjà une douzaine ou 12-13 matchs de jouer dans notre ligue. Il y en a 33 à disputer, donc il nous reste une vingtaine de matchs avant la fin de la saison. Mais évidemment, tu sais comme moi que c'est bon pour le Pee-Wee 2C, c'est bon dans la Ligue nationale. Quand tu gagnes quelque chose, il y a toujours 2-3 matchs par la suite. Quand t'es sur un nuage, tu reviens. Ma job en fin de semaine, ça va être de remettre tout le monde au même niveau puis dire qu'on est revenu dans la réalité de la Ligue régionale puis qu'on a deux matchs à jouer en fin de semaine. Toi, Pee-Wee de Québec, l'année passée, vous aviez joué. Pourquoi vous ne faites pas cette année? Pas qualifié, quoi? Parce que... Le tournoi, on avait appliqué, mais c'est obscur, les règles du tournoi Pee-Wee de Québec. Ouais. Il y a des légendes qui disent que ça va à la performance du début de saison. Il y en a d'autres qui disent que c'est un tirage au sort dans la région pour voir qui allait remporter, qui allait représenter la région. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que on a su à un moment donné que l'Abbé était l'équipe là, qui allait représenter la région au tournoi Pee-Wee de Québec. Ça coïncide avec le fait que l'Abbé avait eu un meilleur début de saison. Pourquoi? Parce que nous, on est allé jouer contre les trois meilleures équipes. On avait un beau calendrier qui nous faisait jouer contre les trois meilleures équipes de la Ligue en partant. Alors, c'est sûr que nous, on a eu ça un petit peu plus difficile en début de saison. Entre autres, des parties à Bécomo, une des puissances de la Ligue. Alors, est-ce que c'est les performances? Est-ce que c'est un tirage au sort? On le saura pas. C'est une légende urbaine. Et tout ce qu'on sait, c'est que si il arrivait un forfait pour une raison ou pour une autre d'une équipe, on pourrait être parmi les réservistes. C'est ce qu'on sait. OK, donc c'est important. Écoute, c'est sûr que c'est dommage, parce que l'année passée, si je me rappelle bien, on vient qu'on fait tellement de sport, je me rappelle bien, l'équipe avait quand même assez bien performé l'année passée, hein? Oui, on s'était rendu, si je me rappelle bien, encore. Ouais, si je me rappelle bien, puis si vous aviez joué contre des Français, dis-moi, comment tu trouves ton expérience comme entraîneur? Je sais que t'es très occupé, il y a des fois que tu fais des chroniques, des fois tu me dis, je sais pas, je vais avoir le temps, je dis, Alex, si t'as pas le temps, c'est pas grave. J'ai mis une histoire, un bon backup la semaine dernière, là. Comment tu trouves ça? Écoute, c'est... Beaucoup de travail, t'as beaucoup de travail aussi. Enrichissant, parce que moi, j'avais été adjoint, ça fait 17 ans que je suis et j'avais été adjoint tout ce temps-là avec Hugo Maltais, avec qui tu parles de temps en temps. C'était Hugo qui était entraîneur-chef parce que on avait fonctionné comme ça, puis c'était un modèle qui lui plaisait bien, puis en même temps moi aussi, en raison de mon travail. Cette année, ben, on a décidé d'opérer de façon différente, que j'allais être l'entraîneur-chef, et ça fonctionne parfaitement. Et je te dirais qu'au niveau de l'expérience, faut le vivre une année. Mais comme je te le dis, l'année prochaine, là, ça, à moins que mon garçon change de catégorie et devient, il se retrouve dans la A, ben peut-être que je vais coacher encore l'année prochaine, mais je vais probablement céder à nouveau les rênes à Hugo là, pour la suite. Les parents, est-ce que tu as de la misère avec les parents? C'est comme répandu. Mais j'ai des bons parents, je suis content, j'ai des bons parents. Mais évidemment, il faut composer avec ça. Quand on est un parent, qu'est-ce que tu revois? Tu vois le temps de jeu de ton jeune, tu regardes ton jeune exclusivement. Puis des fois, il y en a qui oublient le résultat d'équipe et qui ils pensent plus au résultat de leur jeune. Donc, mais cette année, j'ai instauré un système de communication très ouvert avec les parents. Mais évidemment, de temps en temps, on en fait pas notre truc. Mais avec les bonnes explications, moi, je me dis toujours qu'au moins, les parents sont pas contents, mais au moins, ils auront eu l'explication. Ça fait qu'ils pourront au moins la digérer de la manière dont ils veulent. Alex, on se reparle vendredi pour la chronique de la Ligue nationale de football. Notre ami Alexandre.